Vienne 105. Hiroshima, couleur 3.ch. DJ Crush in the house. Exclusivement pour couleur 3, DJ Crush. Dans les métissages, exclusivement pour couleur 3, DJ Crush. Un set d'une heure dans les métissages. Les métissages avec le quotidien 20 minutes et son site internet 20minutes.ch. Couleur 3. Spiritual vibes. La deuxième heure des métissages, et merci à mon invité de la première heure, à savoir Max Ducaprice, qui nous a rappelé que ce sera la fête entre le 14 et le 18 à Crans Montana. Et il y aura entre autres DJ Crush et ses platines. DJ Crush qui va prendre toute cette deuxième heure des métissages à son compte. Un des meilleurs DJ hip-hop au monde, comme l'indique son MySpace. C'est tout de suite, et du coup, la deuxième heure des métissages, c'est parti. クラクトワをお聞きの皆さん、こんばんは。スイスの皆さん、こんばんは。DJクラスです。ピース。 Un mix exclusif de DJ Crush. Thank you. DJ Crush dans les métissages exclusifs. Couleur We'll be right back. C'est dans la deuxième heure des métissages avec DJ Crush qui sera au Caprice Festival jeudi prochain. DJ Crush, un des meilleurs DJ hip-hop au monde. We'll be right back. d'un mix exclusif de DJ Crush. DJ Crush dans les métissages exclusifs. Métissage. We'll be right back. Métissage. C'était le mix exclusif de DJ Crush. On se dit au revoir et à demain, car j'aurai la lourde tâche de remplacer monsieur Eric Grosjean. À demain, à plus, see you. Les métissages avec le quotidien 20 minutes et son site internet 20minutes.ch. Genève, 1h. Tahiti, 13h. Un